On va rester là, c'était un petit peu des notions mieux, donc merci pour votre courage et passez une bonne soirée à la semaine prochaine.